Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, accrochez vos ceintures. Speed Racer est un as du volant, un fonceur instinctif et intrépide qui enchaîne les victoires. Né pour ce sport à haut risque, il n'y a connu qu'un seul rival, son propre frère, le légendaire Rex Racer, fauché en pleine gloire et dont il est aujourd'hui l'héritier. Tous les pilotes en voiture. Speed Racer a totalement changé la donne. Arrêtez-le immédiatement. On essaie, mais il est trop rapide. Quelqu'un veut faire du mal à ma famille, je ferai tout pour le démolir. C'est pas une course. C'est un règlement de compte. Je crois pouvoir changer le monde au volant d'une voiture, mais ça marche pas comme ça. Il faut que je fasse quelque chose, c'est tout ce que je sais faire. On dirait qu'une seule chose intéresse votre fils. Tous les pilotes en retour. Il ne parle que de ça. Le compte à rebours final a commencé. Et apparemment, il ne pense qu'à ça. La course automobile. C'est l'arrivée triomphale du vainqueur, Speed Racer. Il sera sûrement très bon. Non, ce sera sûrement le meilleur. Speed Racer, avec Suzanne Sarandon et John Goodman. Un DVD Warner Home Video.